te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi, chers auditeurs et auditrices de CKIA et de Puissance Maximale, cette émission que vous écoutez en direct en ce lundi 25 avril. Et aujourd'hui, une émission très, très, très chargée avec les collaborateurs de Puissance Maximale. J'ai nommé François G. Couillard à la console. Salut Vincent Langlois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. On est toujours heureux de t'avoir avec nous et nous avons également Michael Michaud qui est avec nous. Salut à tous. Et Andrew Castegan. Bonjour. Et on aura des sujets assez variés aujourd'hui. Un sujet en particulier qui nous a tous touchés cette semaine, on va parler du PlayStation Network, qui ne fonctionne plus depuis 6 jours, si on calcule vraiment en termes de journée, là, du mercredi au lundi. Mais en termes de 24 heures, c'est peut-être plus 5 jours, mais en tout cas, bon, allons-y au pire. Oui, c'est trop inacceptable. Trop longtemps pour ceux qui jouent en ligne ou ceux qui veulent aller télécharger du contenu, tout simplement. Et Andrew, également, de ton côté, tu vas nous parler de... un jeu que tu as essayé, que tu as acquéri. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. Excuse-moi. Ben oui, je vais parler de Mortal Kombat. Ben voyons donc, Mortal Kombat. Je vous ai tanné pendant des mois et des mois. C'est le moment fatidique où ma critique va être dévoilée. Je pense même qu'on y a tous joué cette semaine, donc ouais. On pourra faire quelques petits commentaires sur ce que tu vas nous dire. Michael, de ton côté? Ben moi, je vais vous parler d'un autre jeu sur PlayStation 3 qui est... Non, je voyais François de l'autre côté. Il veut en finir avec toi, tout simplement. C'est ça. Qui est Assassin's Creed Brotherhood sur PS3. Excellent. Bien, moi aussi, je vais vous parler d'un jeu, mais qui est disponible sur la PS3 et la Xbox 360. Et également sur la DS. C'est sorti sur la DS il y a quelques années. C'est Might and Magic Clash of Heroes que j'ai découvert sur la PS3. C'était pas quelque chose qui m'attirait sur la DS, mais vraiment, ce qui ressort sur la PS3 est vraiment intéressant. Et on débute l'émission en musique, pour faire honneur. Ça va être une pièce thématique, justement, par rapport à la chronique qui s'en vient là, sur la PS3. Oui. Donc, la pièce s'intitule « How to kill a brand ». Est-ce que vous pouvez la présenter? Oui, ben en fait, ça vient d'un critique de jeu qui s'appelle Sarcastic Gamer, dans le fond, qui aime bien faire des petites chansons pour parodier l'univers du jeu vidéo ou certains éléments de l'actualité. Cette chanson-là vient du moment où la PS3 venait d'être annoncée et que Sony annonçait une console plus chère, offrait le Blu-ray, tandis que tous les compétiteurs autour semblaient offrir mieux et pour moins cher. C'est sûr que la réalité a changé au fur et à mesure que les jeux ont sorti, mais ça, c'est approprié pour le PlayStation Network actuellement. How to kill a brand à puissance maximale. Oui, c'est... bon. Piano. Puissance maximale. Toujours prêt. Step one, you make your console cost the most. You beat your chest and proudly boast. Despite no good exclusive games, you make a bunch of ridiculous claims. Then ignore our need to play online. Don't make it fun like Xbox Live. Use Blu-ray, which I don't need. Now you're getting your ass kicked by the Wii. Sony just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Bill Harrison, yeah, you know best. Except you didn't fade a test. Sure, I can surf the net, but I can't find my gaming friends. Said Halo 3, don't worry you. Instead you offer Killzone 2. But Killzone 1 sucked before. So what made you think we wanted more? Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. At PlayStation, what we have done successfully over the last 12 or 13 years is to we're going to do some things a little differently. We're going to I don't have any comment to make. Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Yeah, Phil, one question real quick. A lot of players say they want to be able to play online without jumping through a bunch of hoops. Do you have any plans to make the PlayStation 3 not suck as much when you go to play someone else online? We know that that's a compelling feature for certain players in certain segments of the audience. But as to specific plans or features, I don't have any comment to make. Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg und wir hören jetzt Présence Maximale. Et vous avez entendu cette chanson, How to Kill a Brand, qui est vraiment d'actualité. C'est ce dont on va parler à l'instant. Sony avec son PlayStation 3, le PlayStation Network, est à terre complètement depuis mercredi dernier. Vraiment, nous, en tant que joueurs, on, je et pense moi, qu'on, et moi, en tant que joueur PC, j'arrive bien. Toi, tu ris. Et nous, en tant que joueurs de console, on l'a dur, vraiment. Très difficile. Moi, j'ai un peu de misère à survivre présentement parce que je suis... D'abord et avant tout, un joueur en ligne. Peut-être pas ce qu'il y a ici autour de la table, mais j'ai pu, avec le temps, apprendre à jouer la petite campagne des différents jeux auxquels je joue présentement. Puis disons qu'on en recommence aussi à s'habituer à dire « Ah, c'est vrai, on peut jouer à deux manettes sur une machine. » Ben oui, regardons ça, on peut jouer à deux joueurs sur le même écran. C'est donc bien le fun. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé de la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une attaque. C'est ça, ouais, une attaque externe. En fait, Sony n'a pas sorti grande nouvelle par rapport à ça. Ils tiennent ça assez profil bas. Ce qui est ressorti comme nouvelle, c'est qu'il y a eu une attaque. Leurs serveurs ont été hackés. On avait blâmé le groupe Anonymous au début, qui sont des hackers, mais des hackers qui s'en prennent à plusieurs entités. Hein? Ouais, aussi, mais faut pas oublier qu'ils avaient déclaré ouvertement la guerre à Sony avec le cas GeoWa. Oui, avec leur opération Sony, en fait, qui demandait à tous les gens sur le net de boycotter Sony jusqu'à ce qu'ils changent leur politique face justement aux échanges en ligne, puis justement avec une des updates qu'il y avait eu sur justement pour l'OS du PlayStation. Ça avait soulevé beaucoup, un peu de colère, là, mais de mécontentement des joueurs. Puis c'est ça, avec l'opération Sony, Anonymous a été rattaché à ça, sauf que... Un peu, c'est pas le même Anonymous que ceux qui luttent contre l'église de Scientho? Oui, les mêmes. Oh oui, ah, c'est ouais? Les mêmes. Oh okay. Oui, eux autres, c'est des... j'essaie de trouver le terme exactement, mais c'est des hackers qui font pas juste hacker, mais qui font ça pour une cause. finalement. Mmh. Fait que eux autres, ils parlent justement de vie privée, puis ils parlent d'accès au réseau. Donc, il y avait l'opération Sony qui avait été lancée par Anonymous. Sony, elle les avait rattachés à ça, mais ça a été rapidement été démenti, puis Sony a arrêté d'en parler. Donc, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas qui c'est qui l'a fait pour le moment, mais on sait, tout le monde, tous les joueurs sur le PlayStation Network savent que le PSN est down depuis environ, c'est ça, 5 jours. Et on dit qu'on fait du nettoyage, on est en train de réparer. On est en maintenance. Ouais. Je sais qu'Andrew, tantôt, tu nous as parlé d'un... hors d'onde, tu nous parlais peut-être de... Je sais pas si c'est une rumeur ou ça a été... C'est que Sony avait confirmé qu'il est en train de faire un réaménagement majeur de leurs infrastructures de sécurité. Donc, en gros, mettre plus de pare-feu, plus de serveurs qui vont permettre de faire de la sécurité au niveau du PlayStation Network. Mais aussi, en même temps, une petite rumeur. En fait, c'est pas vraiment une rumeur. Sony, en même temps, annonce qu'ils vont partir une campagne marketing pour encourager les joueurs de PlayStation Network à aller sur le PlayStation Plus. Donc, de payer un abonnement à l'année ou aux 3 mois ou au mois, dépendant de ce que tu vas avoir, et d'avoir accès au PlayStation Network par cet abonnement-là et à quelques petits rabais de 2$ ou de 3$, même quelques jeux ou avatars gratuits. Des trucs gratuits qui sont à faire avec PlayStation Plus. On va voir ce que ça va donner. Il faut dire que c'était un service gratuit PlayStation Network. On peut comprendre que, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens sur le PSN, il y a beaucoup de monde qui vont jouer, puis vu que c'est gratuit, ça peut être plus instable, moins compétitif avec le Xbox Live, mais quand même. Moi, avec mes expériences avec le PSN, ça va quand même assez bien. J'ai rarement eu des problèmes. Sauf que si ça s'en vient payant, on espère qu'on va en avoir pour notre argent. On espère que ces rabais-là vont rester pour le PlayStation Plus, quitte à mettre peut-être un volet PlayStation Plus avec ces offres-là ou un PlayStation Plus moins cher avec seulement l'accès. Mais on va voir ce que ça va donner. Ben moi, j'ai bien hâte de voir aussi parce que pour avoir les deux, le Xbox Live et le PlayStation Network, c'est certain que le Xbox Live puis Andrew aussi là, ça roule. On rentre un jeu, il y a un petit téléchargement à faire pour faire un update en mauvais français. Et ça se fait en quelques secondes à peine, tandis que sur le PlayStation Network, c'est très long. Quelque chose, comme tu dis très bien, que je suis capable d'endurer. Je suis conscient que je bénéficie d'un service qui est gratuit. Je vais vous avouer franchement que j'aimerais bien qu'il reste gratuit au niveau du PlayStation Network. Ben, on dit gratuit, la machine coûte 300$. Oui, c'est ça. Il faut pas oublier ça. Puis moi, je trouve que c'est normal de fournir l'accès. On est quand même en 2011. Là, offrir l'accès gratuit à ses consommateurs à un service en ligne, je pense que moi, je trouve ça cher quand même. Là, un 60$ par année pour avoir accès pour jouer avec les autres. C'est de l'argent quand même. C'est quand même 60$, mais... Bon, si c'est une tendance qui se dessine dans l'industrie, on n'aura pas le choix de suivre en tant que joueur. Là. On n'aura pas le choix de suivre, mais j'aimerais bien voir si les compagnies qui font des jeux pour PlayStation vont dire « Hey, nous aussi, on a des gens qui achètent nos jeux parce que c'est gratuit. On aimerait peut-être ça, soit avoir de l'argent ou que vous le laissiez gratuit. » Parce que c'est pas sûr nécessairement que tout le monde va suivre. Moi, PlayStation Plus, je suis pas encore très, très impressionné par ça. J'ai toujours dit que je m'abonnerais pas à ça, ça m'intéresse pas. Puis j'ai pas encore mis le 59$ que ça coûte, là, ou même l'essai de 3 mois. L'offre est pas assez intéressante. Pas vraiment. Puis pourtant, j'ai un abonnement Xbox Live. Mais là, ce qu'on pourrait peut-être comprendre, justement, là, c'est comme Andrew disait, là, on a des problèmes de maintenance, on a des problèmes de sécurité, maintenance, marketing. Est-ce que c'est un truc prémédité par Sony pour nous amener à vouloir payer? Comme on disait, alors donc, là, est-ce que c'est la théorie de la conspiration par rapport là, à Sony? Mais si c'est effectivement ça, il y a de quoi se révolter, il y a de quoi trouver ça pas correct. Mais si ils sont victimes de hacking tout simplement, puis ils sont vraiment en train d'essayer de trouver le problème puis de le régler, faut être compréhensif là. Mais j'ai visité plusieurs forums. 6 jours, c'est beaucoup par exemple. Mais moi en ligne, je suis comme François. Moi quand c'est le temps de jouer en ligne, je vais sur mon PC. Je suis un gros joueur PC aussi. Mais il y en a qui jouent qu'en ligne. Mais c'est ce que je voulais dire. Je suis allé sur les forums de discussion avant d'arriver tantôt. Et il y a des réactions assez fortes par rapport à ça. Des gens qui parlent déjà d'aller s'acheter une nouvelle machine, d'aller vers Xbox pour avoir quelque chose. On va quand tu vas sur les forums, tu vas voir des réactions outragées. Là. C'est la bonne place. Oui, c'est l'enfer, mais c'est parce qu'il faut plaindre un peu dans son vin. Il faut se calmer un peu. Là. À des gens qui me... des gens qui menacent d'aller s'acheter tout de suite une nouvelle machine, là, et... regarde. Oui, c'est ça, c'est des écrits, mais avoir ces réactions-là, qui peut-être ne porteront pas très très loin en termes d'écho, ça sera à voir aussi quand PlayStation va dire « Vous avez $59.99 à payer par année pour ça », ça sera le double sûrement de réactions qu'on va avoir sur le site Internet à ce moment-là. Mais avec raison, là, si c'est ce qui arrive par rapport à cette crise-là, si on peut appeler la crise PlayStation Network, si c'est ce qui en résulte, ben là, on aura peut-être le droit de chialer justement là, du fait que... Ça serait spécial, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent depuis quelques temps. Là, Sony a fait signer des nouvelles conventions aux joueurs par le PlayStation Network par rapport aux gens qui avaient hacké la console. Ça vient d'arriver il y a un mois et quelques. Mais ça, j'ai rien contre ça. Non, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, il y a comme un fil des événements qui, on dirait, il resserre et il resserre et il resserre encore. De plus en plus, puis c'est comme spécial que ça se passe dans cette lignée-là. Ouais. Mais par rapport à ce qu'Andrew dit, moi, je suis comme... Andrew nous l'a dit juste avant de rentrer en onde. Moi, cet après-midi, j'ai déjà tweeté sur Twitter en disant « Gardons ça, ça serait pas un PlayStation payant qui va arriver. Oh, » oui. J'étais même pas au courant de la nouvelle. C'était comme s'il y avait... Puis j'ai suivi un peu sur IGN ce qui se passait, juste pour les commentaires. Il y a un beau lien sur IGN où vous pouvez aller voir ce qui arrive avec le PlayStation Network. On clique sur le lien. Le lien, c'est « Est-ce que le PlayStation Network est fonctionnel? » On clique sur le lien. Il y a un gros « Non »« No » qui apparaît dans l'écran. Donc, mais... c'est un petit clin d'œil des IGN. C'est un site web à usage unique, quoi, que tu peux voir si le PSN est revenu? Ben non, même pas. C'est le site des IGN de jeux, en fait, contre les nouvelles, tout ça. Et eux, dans leurs nouvelles, il y a un lien qui s'en va vers une de leurs pages internes. Okay. Puis ça fait seulement non. Okay. Ça va faire oui quand ça va revenir. Sûrement. Récemment, Sony, dans plusieurs de ses branches, dans plusieurs de ses filiales, dont Sony Ericsson dans le cellulaire, ont eu ces critiques-là qui sont pas correctes avec leurs clients. On nous informe pas, premièrement. Puis, ils ont tout le temps une petite coche de retard sur leurs compétiteurs, que ce soit dans le domaine du mobile ou même de la console, à certains égards, là, justement, pour le jeu en ligne. Ils font pas... Je partage cette opinion-là. Je trouve que Sony ne fait pas attention à sa clientèle présente, surtout. Ça va très bien pour attirer des nouveaux gens avec ce qu'ils ont présentement, avec le PlayStation Move, avec la machine qui est une très belle machine, le PS3. Mais les clients qui sont là, qui ont payé le gros prix, on leur fait pas attention. Puis on... C'est les gens qui veulent rester avec Sony en ont des fois moins pour leur argent. Il y a un manque de respect dans le fond de PlayStation par rapport à ses clients. Oui. Oh, oui, mais c'est Sony en général. Quand je dis Sony, là, c'est vraiment dans plusieurs domaines, puis dans plusieurs de ses filiales. Là. C'est pas juste avec le PlayStation. C'est que je pense qu'ils vont avoir quelque chose à faire. Tu parlais de payer le gros prix. Il y a quelques joueurs ici qui ont payé 299 pour leur console, mais il y en a ici qui n'ont payé 699. Là. Il y en a qui ont encore la première console, la grosse. Regarde tous Andrew présentement. Oui, je l'ai acheté usagé. Oui, là, je t'ai usagé. Mais chanceux, elle marche encore, la tienne. Mais bref, on a le droit de se poser des questions sur ce qui se passe, autant côté technique que côté pour la compagnie. Là, mais quand tu es une grosse entité comme ça, il faut que tu donnes des réponses. Oh, tu sais, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils laissent pas assez couler d'informations, puis les gens, ils font comme on fait présentement. On parle de différentes choses, puis on se permet de se poser des questions sur ce qui va arriver. D'ailleurs, actuellement, je suis sur le site de Games Politic, puis il y a le porte-parole de Sony du Japon, qui s'appelle Satoshi Fukuoka, qui a dit qu'ils ne savent pas non plus s'il y a des informations personnelles qui ont été volées au cours de cet événement-là. Donc, ils ne savent pas si les cartes de numéro de carte de crédit, si ça a filtré. Ils ne savent tout simplement pas. Alors, c'est y a un gros problème peut-être de sécurité. De là-dessus, ouais. Ben, c'est ça. Si on était hacké, il fallait s'attendre à ce genre de situation-là. Malheureusement, c'est pas parce qu'on s'appelle Microsoft ou Sony qu'on est à l'abri des hackers. Mais là, Sony... était plus ciblé justement à cause de ses politiques, à cause de ses plus serrés face à la sécurité. Malheureusement, c'est ce qui en résulte. Fait que tout le monde, soyez à l'affût sur vos comptes de PlayStation Network. Allez voir vos comptes de carte de crédit. Si vous avez rentré votre carte de crédit, je vais aller faire ça en arrivant à la maison. Ce que je n'ai pas fait. Donc, la PlayStation Network est down. Que faire? Il ne suffit que... Attendre. Allez dehors. Allez jouer dehors. Allez jouer au ballon. Profitez-en. Hein. Profitez-en, il fait chaud. On va écouter une pièce de... Mortal Kombat? Oui, ben en fait, c'est un petit vidéo que j'ai tombé dessus Facebook, sur le Facebook de Mortal Kombat. En fait, c'est une pièce qui s'appelle Mortal Kombat Rap. L'artiste, malheureusement, je ne le connais pas. C'était vraiment sur la page Mortal Kombat. Si c'est un artiste en vaut aussi ou quoi que ce soit par la compagnie, j'en ai aucune idée. Mais c'est quelque chose qui décrit bien la mentalité du jeu, je trouve bien. Puis c'est très divertissant. Alors, le Mortal Kombat Rap, vous êtes à puissance maximale. can't win, you got jumped. I always mix it up, cause I fight bipolar. Don't give me no excuses, and blame your damn controller. Put your mic to the test, of the test, of the best, of the best, of the rest. We'll get to the press, of the blessed, or possessed. I would guess with the skills that always duly impress. My button, when it's down, 6 round, bring it on. And the only sound we hear is you, like a busy, taking a stand, singing, I'm not afraid. Ooh, I love the way you lie on the ground while I stand with your heart in my hand, man. Come on, face the immortal with no fear, and feel that pain in your chest, punk, now. Get over here! You struggle with your cheat codes while I shove my beat down cold just like Sub-Zero. Lose yourself, whoops, there goes gravity. Fatality. I bring the muscle to the tussle and I try to rewind. Let's get this party started, it's Mortal Kombat time. Just don't like a, like a hungry squirrel. Johnny Cage is cracking nuts. Kalau is taking hands. Shao Kahn fights noobs I bought. My skills with Britain gonna leave you fading. Cause I'm a master blocker. I strike you down, you'll flip around, and then you get the shocker. Fatality is fatality. Lethality is my salary. My wins are a formality. My skills bring you mortality. The combat is reality. Your fate is a finality. I never use fatalities. That's just not my mentality. C'est sur Puissance Maximale que vous avez entendu le Mortal Kombat Rap, juste pour introduire la chronique d'Andrew Castellan. Andrew qui vient de vivre les deux semaines les plus intenses de sa vie, soit l'attente de Mortal Kombat et l'essai de Mortal Kombat. Ah oui, puis c'était haut en adrénaline, autant un ou l'autre. Mais quel retour en force, Vincent, de la franchise Mortal Kombat. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Je suis resté devant la console, la bouche ouverte, dès ma première fois que j'ai joué aux démos, et le jeu en vaut la peine. Une version que tu as acquise en version limitée seulement, j'imagine? Oui, en version collectionneur. Ah, regardons ça. Que j'ai eu d'ailleurs de la misère à prendre. Faut pas oublier que j'avais fait une précommande. Malheureusement, je l'élaborerai pas. Il y a eu des problèmes. J'ai fini par me la trouver en magasin. Il m'en restait une. Ouf. Fait que, tu sais, j'étais chanceux. Merci, Contact. Ouais, et, ça a été une honte totale d'arriver ici en studio et dire je n'ai pas eu la précommande. En fait, mais, il a pas eu la précommande, mais il y a quand même eu. Mais la version collectionneur, pour faire un petit tour d'horizon, j'en avais parlé. On parlait de support à livre qui venait avec. Pièce très impressionnante. Peinture à la main au niveau là, des figurines. Petite bémol, je dirais, il manque peut-être un peu de détails au niveau des personnes. Donc, on regarde Scorpion et Sub-Zero. Au niveau de la peinture, il y a des petits défauts au niveau de la finition. Ça dépend peut-être de l'âge de la personne qui a dessiné ton... Non, ben c'est... Ça doit être fait en Chine, je veux dire. Oui, c'est ça. Non, ben c'est fait c'est un peu ce que j'ai insinué. Non, mais ben, c'est Made in China, pareil. Mais la compagnie qui a fait la figurine, c'est la même que la compagnie qui a fait le sock de Hollow Reach. Mais tu sais, c'est les petits défauts de peinture qu'on reconnaît de cette compagnie-là. Mais ça le rend unique, ton oui, c'est sûr qu'il n'y a aucun des sports à livre qui a le même défaut de peinture. Il faut pas que tu oublies que première année, c'est les couleurs primaires, deuxième année, c'est les couleurs secondaires. Puis si tu avais pris quelqu'un de troisième année, tu aurais eu les couleurs tertiaires, mais bon. Mais en frais de figurine, elle est vraiment très belle. Ça a de la gueule. On la regarde, puis ça a l'effet qu'on veut. Vraiment, là, le détail au niveau de la gravure de la figurine, c'est vraiment là. Ça valait la peine? Oui. Mon opinion, ça valait vraiment la peine. Ou ça, en même temps, ça venait avec un artbook d'à peu près 110 pages où on a vraiment le en fait, ils appellent ça un artbook, mais j'appellerais ça plus le journal de développement. Parce que dans le fond, ils ont vraiment mis les textes, qu'est-ce qui les a inspirés à refaire le design de tel personnage et ces éléments-là. Après ça, ils venaient aussi avec des fonds d'écran pour la PlayStation, ainsi que des avatars pour les comptes, et ainsi qu'un costume alternatif pour Air Mac, qui est un des personnages jouables du jeu, qui permet d'avoir un habit plus standard, comme à la Scorpion et Sub-Zero, dans le fond. Si je comprends bien, il y a des personnages qui sont non jouables. Non, il est jouable. Ben, il y en a, mais Air Mac est jouable, mais c'est juste parce qu'il permet d'avoir c'était un costume petite, plus classique. J'attendais juste Shao Kahn, je pense qu'on peut pas le jouer. Non, on le reçoit seulement, je pense. Non? Ouais. Exactement. C'est ça. Mais en frais du jeu, en fait, on retrouve tous les classiques là, au niveau là, on retrouve tous les éléments là, qui ont fait en sorte que Mortal Kombat, dans son âge d'or, les trois premiers volumes, on retrouve vraiment tout ce qui faisait en sorte que c'est bon. On retrouve un système de jeu vraiment classique 2D, mais avec un fini 3D vraiment très bien fait. On reste avec les systèmes rudimentaires, dans le fond, les combos qu'il faut malheureusement connaître et qui sont pas cœur, forcément en fait, intuitifs. Mais chose qu'ils ont fait qui est bien, et ont rendu les fatalités plus faciles à faire. Faut pas oublier, Mortal Kombat 3, y a les fatalités, des fois, on avait jusqu'à 12 touches à faire quasiment avant qu'ils se produisent. Mais on les faisait pareil. Ou encore, on utilisait le code qu'on avait juste besoin d'appuyer sur une des quatre touches de la manette pour que ça marche. Ah. Fait que c'est ça, bon. Mais tandis que celui-là, on parle quand même de fatality qui se fait avec 4 ou 5 touches. Fait que c'est quand même pas si pire à ce niveau-là. Si je suis capable de le faire, tout le monde peut le faire. Puis après ça, un jeu quand même très complet. On parle de plusieurs façons de jouer. On peut jouer avec le mode ladder que François a eu plus l'occasion de jouer. Qu'on parle dans le fond de différents combats ou encore des défis. Il y a le niveau... il y a aussi les niveaux... un niveau challenge aussi, qui a à peu près 300 challenges pour débloquer des crédits. Ouais, pour les défis sur la tour. Exactement. Tout simplement de battre notre adversaire à même battre deux adversaires. Wow, c'est super! Ou encore gagner le combat, mais réussir à faire le stage finish him. Oui, en plein ça. Réussir à éliminer son adversaire avec un mouvement spécial. Donc, c'est chacun des défis qu'il y a à faire. Moi, je suis rendu numéro 35 et je commence à avoir de la misère. C'est ça. Puis, il y en a 300. Fait que tu en as pour longtemps. Aussi, en même temps, il y a un story mode qu'on a vraiment quand même bien travaillé. J'ai joué au story mode et on dirait vraiment un film. Ils ont vraiment travaillé les dialogues, ils ont travaillé l'histoire. Il y a des vidéos, il y a des cinématiques. Il y a des cinématiques entre chaque combat. Toutes les vidéos, il n'y a aucun texte, c'est tout avec du voice acting. Wow. Pour l'avoir fait avec Andrew, là, ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de le faire. Moi, j'ai hâte de rejouer pour ça. Et on couvre justement l'histoire qui avait été faite du premier jusqu'au troisième Mortal Kombat au complet. Et on n'a fait aucunement référence au film, c'est vraiment l'histoire de Mortal Kombat comme elle est supposée avec le petit reboot qu'ils ont voulu faire, parce que quand le jeu commence, chose à savoir, on se retrouve à la fin de Mortal Kombat Armageddon, qui était le dernier qui avait sorti sur console, à part le DC Universe. Donc dans le fond, on se retrouve à la fin de celui-là, et il y a un retour en arrière au premier Mortal Kombat, et Raiden dans le fond a des visions pour essayer de changer le futur et ainsi changer l'histoire du Mortal Kombat. Et on voit vraiment une histoire approfondie de tous les personnages qu'il y a dans le jeu. Vincent et Michael ont vu la liste. On a quand même une bonne liste de combattants. Il y a beaucoup de combattants. Puis même pour le côté approfondi personnel, on le voit aussi dans les ladders. Dans les ladders, à la fin, quand on termine avec chacun des personnages, on voit une petite cinématique qui parle un peu du personnage. Puis on peut après ça aller débloquer certains éléments. C'est ça, exactement. Sauf que dans le fond, au niveau de l'histoire, justement, c'est on va vraiment toucher l'histoire de tous les personnages. Comme exemple, on voit Jax, lui qui a les bras de métal avant qui aille ses bras de métal. On sait comment qu'ils ont eu. Le premier Sub-Zero dans le premier Mortal Kombat se fait tuer. On voit comment, on voit pourquoi que Sub-Zero est encore là dans les autres malgré le fait qu'il s'est fait tuer. Tous ces éléments-là, c'est toutes des choses que certains joueurs forcément ne connaissaient pas dans les trois premiers, que là ils ont vraiment pris la peine d'expliquer pour que le monde comprenne l'univers de Mortal Kombat et puisse le savourer. Donc quelqu'un qui connaît rien du tout là au départ, un peu comme j'étais, j'ai joué, mais je me suis pas vraiment intéressé à la série. Les films, c'est quelque chose qui sont passés devant moi sans trop. Sans problème. C'est en plein ça. Donc, j'ai pas encore fait le story mode. Je vais en apprendre beaucoup par ça. Exactement. En fait, c'est on apprend tout de l'univers, tout simplement. En même temps, ben quand je dis qu'il y avait beaucoup d'éléments, aussi quand on joue, on débloque des crédits. Oui. Les crédits nous permettent d'aller dans une crypte, immense crypte c'est d'ailleurs, incroyable. Qui nous permet de débloquer images, fan art, des costumes, des nouveaux modes, des fatalités. Il y a justement plein d'éléments là, qui peuvent être débloqués par le jeu et on peut jouer extrêmement longtemps avant d'avoir tout débloqué. Tout à fait. Sinon, en tant que tel, au niveau... Est-ce que tu as eu la chance de faire le mode en ligne? Non. j'ai joué en multijoueur sur la même console. Chose que j'ai été étonné, par exemple, j'ai eu le temps d'activer mon jeu. C'est un des rares jeux de PlayStation Network, pas de PlayStation Network, mais de PlayStation qui a un code d'activation pour jouer en ligne. Ça s'en vient de plus en plus. Avec les jeux de EA, il y en a quelques-uns. Mais justement, c'est pas EA. Non, c'est ça qui m'étonne. Avec EA, il y en a plein. Ben, les codes sont là maintenant. Hein. Développeurs, ils pensent à la revente des jeux. Hein. On en revient du PC. Là. C'est le même principe que sur PC. Oui. C'est ça que je déplorais, moi, des consoles. Là. C'est qu'on parle de la fiabilité de la console pour aller vers à peu près la même nature puis la nature de jeu que le PC. Bon, on va y arriver. Là. Sauf que au PC, est-ce que tu vas échanger tes jeux? On peut plus. La plupart des magasins ne les prennent plus. Ben c'est ça. Tandis que ça se fait encore au niveau de la jeu console. Puis ce que les gens se sont aperçus, ce que les développeurs ou les compagnies qui font les jeux se sont aperçus, c'est qu'ils font pas d'argent à ce moment-là. C'est les EB Games, c'est les microplays de ce monde qui font leur argent. Fait que qu'est-ce qu'ils ont dit pour faire de l'argent? Ils ont dit, ben le premier qui achète le jeu, il va avoir un code pour aller jouer en ligne. Puis le deuxième, on va le vendre sur PlayStation Network ou bien sur le Xbox Live. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils font leur argent comme ça. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir comment la fameuse Combat Pass se vendait. C'est sûr, ça dépend. Je pense que c'est 9,99. Ça dépend à quel prix qu'ils vont vendre le jeu usagé. T'sais, si la personne économise pour le jeu usagé pour la peine puis qu'il a juste à repayer 9$ pour en ligne. Dans les premiers mois de jeu usagé, là, des fois c'est 5 à 10$ de moins seulement que non, la copie, ben c'est ça. Mais t'sais, si les magasins comme eBay Games prennent ça en compte pour calculer leur prix de jeu usagé, c'est déjà moins pire un peu. Mais ce qui arrive, c'est que le client, lui, il sait peut-être pas. Il n'y a plus la passe. Lui, je vais acheter le jeu usagé et tout ça. La plupart des gamers vont le savoir, mais le casual, la maman qui va acheter ça, plein pour, ça. Elle va faire le saut. Là, elle va dire ah, mais je peux pas jouer en ligne, c'est dans ma plate, j'aurais dû payer le 10$ ou le 5$ de plus finalement. Mais moi, mon niveau, au niveau d'un jeu de combat, Mortal Kombat est dans un de mes jeux de combat de l'année 2011. Regarde, c'est incroyable. C'est sûr, j'ai pas vu tous les jeux de combat qui vont sortir cette année, mais à date, on touche du bois, il est dans mon top 5. Et je dirais pas loin de la première position, juste presque à égalité avec Marvel vs. Capcom 3. Oui, la seule affaire que j'ai à dire par rapport à Mortal Kombat, c'est les combos qui sont pas assez intuitifs, qui font que si on n'est pas à l'aise, ben on va se faire battre assez rapidement. Il faut vraiment les apprendre par cœur. Ouais. Souvent, là, je trouve que... En tout cas, les moves les plus intéressants sur les joueurs, là, sur les combattants, là, c'est ceux qui sont les plus compliqués à faire. C'est ça. Il faut s'armer de patience pour être bon à ce jeu-là. Mais graphiquement, superbe. Story mode, très bon. C'est un excellent jeu. Moi, je pense qu'avec Mortal Kombat, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu adoptes un ou deux combattants. Puis tu les développes, tu les découvres au complet, puis tu joues seulement avec ceux-là. C'est ce genre de jeu-là, effectivement. Ou que tu apprends à jouer avec Shang Tsung. Peut-être. Qui se morphe dans tous les autres personnages. Oui, en plein ça. Ou bien Kratos, qui était... Tu nous as pas parlé de Kratos, Andrew? Déception. C'est pour ça qu'il nous en a pas parlé. Non, disons, j'avais vu des vidéos, j'avais une grosse attente parce que Kratos, il faut savoir, dans God of War, il y a quand même une certaine rapidité en termes de combattant. C'est vrai qu'il est lent. Hein? Il est extrêmement lent dans le jeu, donc j'ai fait une petite déception. C'est jouable, mais il faut vraiment comprendre ses combos parce que sinon, on peut pas s'en sortir. Moi, c'est lui qui m'a permis de battre le niveau 9 dans l'échelle. C'est pas lui qui m'a fait battre le dernier, mais c'est lui qui m'a permis de battre le niveau 9. Ça me fait penser, il y a juste une chose que j'ai de point négatif à date à donner à Mortal Kombat. Shao Kahn est vraiment très dur. Trop dur, parfois. Avec certains combattants, il y en a certains que je vois, j'ai pas eu de misère à le battre. Il y en a d'autres que je ne vois tout simplement pas comment je peux le battre. Et parce qu'ils l'ont vraiment fait pour dire, c'est Shao Kahn, préparez-vous. Ouais, ça prend, faut se téléporter. On n'a pas le choix. Il faut se téléporter tout le temps. Ça prend justement un combattant qui te permet ça. Eh bien, c'était la critique de Mortal Kombat d'Andrew Castegan, un jeu qu'il attendait depuis des lunes. Bien des joueurs l'attendaient depuis des lunes. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir. François nous surprend tout le temps avec cette superbe musique. Mais que se passe-t-il? C'est le moment du tirage. Donc, on fait tirer un jeu qui s'intitule cette semaine « Oui, honorable parrain ». C'est un jeu de cartes et de. C'est un jeu où on raconte des histoires, tout simplement. C'est un jeu, c'est ça. C'est un jeu où on essaie de dire des mensonges sans, en essayant de convaincre le parrain en question. C'est le parrain de la mafia, vous l'avez compris. C'est un jeu qui joue de 12 ans et plus, 4 à 11 joueurs. C'est un jeu de party. Ça joue environ 30 minutes. Et puis voilà, c'est inspiré de Oui, Seigneur des Ténèbres. Donc voilà, des jeux de contes. Et on raconte 529-90-26, 529-90-26 pour gagner le jeu. Sinon, on va écouter une pièce et puis on revient après. Ça va être Damien. La pièce s'intitule Accro à la techno. C'est tiré de son album qui s'intitule L'amour ninja. C'est un auteur de Québec, de Montréal, qui est pas mal intéressant. On va écouter ça. Damien. Les adeptes du Kung-Fu doivent être prêts à supporter l'assaut d'un adversaire, que ce soit dans la neige, sur le roc ou dans l'eau. Et c'est ce qu'on fera avec Michael Michaud, faire grandir le jeu. Ah oui, merci. J'ai une grosse tâche qui m'attend. Ben oui. Mais non, je ne ferai pas ça, Vincent. Je vais vous parler aujourd'hui d'Assassin's Creed Brotherhood qui est disponible sur Xbox 360, PS3 et PC, je crois. Oui. Mais moi, je vais vous parler de la version PS3. Et oui, donc, la suite directe de Assassin's Creed 2 et du 1 par la même occasion. Donc, on se retrouve encore une fois avec... on est dans le rôle de Miles, qui est finalement un descendant lointain d'assassin dans l'histoire. Le storyline moderne se joue en 2012, donc je rappelle que pour les gens qui connaissent pas Assassin's Creed, vous êtes joué un personnage qui est dans une simulation, qu'on pourrait appeler une simulation génétique, c'est qu'on va chercher l'histoire des ancêtres de ce personnage-là à travers son ADN, dans sa tête, grâce à un appareil qui s'appelle l'Animus, et on va rentrer justement dans cette histoire-là pour... qui finalement Miles Davis va aller jouer, pas Miles Davis, mais ça aurait pu être ça, mais j'ai plein de noms de musiciens, frère. On a checké tantôt des vinyles. Je pense que c'est Alan Miles. Non, mais son prénom c'est Miles. Oui. Desmond Miles, c'est ça. Desmond, donc, va aller dans l'histoire, dans son histoire à lui, son histoire génétique, pour jouer le rôle de ses différents ancêtres. Et dans Assassin's Creed Brotherhood, on va rejouer encore le rôle d'Ezio Auditore da Firenze, l'assassin italien, donc ça va se passer pendant la Renaissance. Ton accent italien est parfait. Ah, j'ai suivi deux cours à l'Université Laval. Je suis bon, hein? Donc, ce bout-là de l'histoire va se passer en 1499, donc à Rome, principalement pour Brotherhood. On commence le jeu où le deuxième s'est terminé. Donc, on est à l'intérieur de la cité du Vatican. On vient d'abattre notre ennemi. En fait, notre ennemi s'est sauvé. Je raconterai pas les gros d'histoire parce qu'il y a quand même des gros punch. Pour ceux qui n'ont pas encore joué aux deux, ça les intéresserait. Moi, je vous dis, c'est une de mes séries préférées parce que je suis un maniaque d'histoire à la base. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, un jeu d'acrobatie, d'assassinat. On saute partout. Les combats sont magnifiques. C'est bien fait. Le graphisme est très beau aussi. Donc, ça vaut la peine. En plus de ça, ben, vous avez un storyline qui est vraiment intéressant, mais je vous raconterai pas les gros punch parce que c'est vraiment... On joue un peu dans la théorie de la conspiration, là. Donc, vous représentez ce personnage-là qui fait partie d'un ordre qui s'appelle l'Ordre des Assassins, qui se bat contre les Templiers. Les Templiers, dans cet univers-là, c'est une organisation. On connaît les Templiers qui étaient là pendant les croisades, qui est un ordre, justement, qui a été en partie, sinon totalement décimé par Philippe le Bel en France. Donc... Mais cet ordre-là s'est perpétué jusqu'à nos jours. Maintenant, c'est une multinationale tentaculaire qui dirige le monde dans l'ombre et qui veulent obtenir des objets spéciaux qu'on appelle les pièces de l'Éden, Pieces of Eden, et qui viennent de civilisations éloignées. Je n'en dirai pas plus pour pas donner de punch. Donc, on se retrouve dans la même formule, le même système que dans les autres Assassin's Creed. Quelques nouveautés, entre autres des upgrades par rapport à certaines armes, dont un poison plus rapide. On peut garder les armes lourdes. Sur nous, dans le deuxième, on peut utiliser les armes lourdes des brutes et des ceux qui cherchaient, qui avaient des lances. On pouvait les utiliser, on ne peut pas les garder avec nous, mais maintenant on peut. On peut les garder avec nous. C'est que c'est des armes plus fortes, plus efficaces, mais permet de faire des combos moins rapides. Maintenant, il y a un nouveau système, parce que dans le deuxième, on avait notre petite ville qui était à Monte Regioni, qu'on allait upgrader justement les différents commerces, notre manoir pour obtenir plus d'argent. Mais finalement, on fait la même chose, mais à Rome. On va acheter des bâtiments à Rome, on va rénover certains bâtiments à Rome pour obtenir de l'argent. C'est comme de l'investissement, qui est de l'argent qui va être déposé à notre banque. Mais en plus, on a aussi un nouveau système qui est le système de recrutement d'assassins. On va recruter des assassins dans l'ordre et ils vont devenir un peu nos sous-fifres. On va les envoyer faire des contrats d'assassinat, des missions à certains endroits. Puis on peut même les appeler pour nous aider pendant les missions. Quand on voit qu'il y a trop de monde, on sait qu'on va avoir besoin d'aide parce que ça va être difficile. On peut les appeler à la rescousse. Et aussi les factions qui étaient les prostituées, les mercenaires et les voleurs. Mais là, maintenant, on les contrôle un peu. On va construire des buildings où ils vont pouvoir se réfugier. Et aussi, on a des challenges reliés à ça. Donc, pour des questions de trophées ou d'achievement. Et aussi, ça va unlocker, ça va débarrer certains éléments du jeu, des armes, des vêtements, des trucs du genre. Il y a aussi, nouveauté dans Brotherhood, un mode multijoueur en ligne. Mais que je n'ai pas pu essayer cette semaine. Regardons ça, tu n'as pas pu essayer ça cette semaine. Malheureusement, mais je me demandais donc? Pourquoi. Mais multijoueur, il y a quelques modes dans le multi. Il y a le free-for-all, donc tout le monde sur une map. Vous avez une cible, vous ne pouvez pas tuer tous les joueurs. Vous avez une cible à abattre. C'est lui que vous devez abattre. Donc, C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous en tuez un, je pense que vous avez une autre équipe qui est désignée. Puis à la fin, c'est celui qui a le plus de points. Vous avez en coop, vous avez ces trois équipes de deux, même principe. Vous avez une équipe qui doit tuer l'autre, qui doit tuer l'autre, qui doit tuer l'autre, plus de points. Vous avez aussi des équipes, des modes d'équipe comme la chasse à l'homme qui va être les chasseurs et les chassés. Fait qu'il y en a qu'il faut qu'ils se cachent, des assassins. Donc plus tu te caches, plus tu peux les stunner. Tu peux stunner les assassins. Plus tu te caches, tu vas fuir, ben tu vas gagner des points. Puis les assassins, c'est en tuant, évidemment, qu'ils vont ramasser leurs points. Et il y a un autre mode qui est le chest capture. Donc, ceux qui sont chassés donc doivent ramasser des coffres en plus de se cacher et tout. Puis il y a les assassins, encore là, qui doivent tuer. Donc, c'est les principales nouveautés. Je vous dirais qu'il y a quelques autres trucs là, dans le combat. C'est possible de faire des assassinats en chaîne. Quand vous êtes entouré de plein d'ennemis, ben, vous allez cibler vers le prochain ennemi pendant que vous êtes en train de faire le coup final sur celui qui est devant vous. Ben, vous pouvez tout de suite cibler et ça va aller vers l'autre. Vous pouvez être arrêté par l'attaque d'un autre ennemi. Mais ça fait des combats vraiment, vraiment plus acrobatiques, plus intéressants. C'est vraiment le fun pour l'avoir essayé. Et finalement, je vous dirais que il y a plusieurs mini-games qui ont été rajoutés en qui est du virtual training dans le contexte de la machine de réalité virtuelle dans laquelle notre personnage est. Je trouve que moins intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup, ça fait déjà beaucoup de choses avec les nouveautés et les choses à faire en jeu. Mais rajouter ça en plus qui unlock des choses des fois pas très intéressantes. Moi, j'aurais peut-être mis moins pour se concentrer sur le storyline. Et finalement, ce que je voudrais dire à propos de ce jeu-là, c'est le graphisme. Très beau, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est mes yeux à moi, j'ai l'impression qu'il est un peu moins beau que le 2. Je sais pas pourquoi. Le 1, quand il est sorti, il était très beau. Mais c'est impressionnant. Ouais. Mais le 2, j'avoue, je l'ai trouvé très, très, très, très beau. Mais le 3, on dirait qu'il y a un petit quelque chose, je le trouve pas aussi beau que le 2. Il me semble qu'il est sorti très rapidement, le 3, à la suite du 2, ça se peut-tu? Ben, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, le 3. Il est sorti. Le 3 est sorti même pas un an après le 2. Parce que me semble qu'il y avait plus de mois ou d'années entre le premier et le deuxième. C'est comme s'il avait travaillé rapidement. Ben, c'est une franchise qui marche beaucoup. Puis je sais qu'il y avait eu des problèmes à Ubisoft Montréal avec, je pense, le développeur, le scénariste principal. Émile Gauthier, Il avait quitté au début du développement du jeu. Ça fait que je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu est très bon. Il y a eu des très bonnes cotes partout sur Internet. Puis moi, je l'aime beaucoup pour le moment. Là, j'ai déjà 20 heures de jeu de fête. Puis je suis pas rendu loin dans le storyline. Je fais toutes les petites affaires qu'on peut faire, se promener en ville, reconstruire des trucs, racheter des buildings, des trucs du genre. Le côté gestion, j'en fais beaucoup. Puis j'ai déjà 20 heures de fête. Ouais, tu me donnes vraiment le goût de remettre la main sur ces jeux-là. Mais les Assassin's Creed, là, je vous le dis, là, pour la durée de vie du jeu, ça vaut la peine. Le prix d'achat, même neuf, là, ça vaut la peine. Fait que je le recommande évidemment à tout le monde, là, le 3. Là, puis vous allez continuer dans le storyline du 2, qui est une storyline de la série Assassin's Creed qui est très, très, très bon. Ça fait que je le conseille à tout le monde encore une fois. Ouais, c'est important de le mentionner parce que justement, le storyline, c'est assez rare qu'il y ait beaucoup de jeux de ce temps-ci qui ont un bon storyline. Oui, puis qui te permettent plus de. Ben là, tu parles d'une vingtaine d'heures en début de jeu comme ça. Là, ça donne à peu près un 60 heures, certain. Oh oui, puis il faut dire qu'il y avait eu beaucoup d'historiens et de gens qui ont été consultés justement dans le développement de la storyline de ce jeu-là. Vu qu'on est vraiment dans un contexte historique, il faut le faire, puis je trouve ça important qu'on reste ancré dans un contexte réaliste. Puis il y a des personnages que vous allez voir, des personnages historiques connus, dont Machiavel, Leonardo da Vinci. Vous allez avoir d'autres, des politiciens connus, dont le pape en place, qui est un templier, finalement, là, dans le jeu-là. Ben, c'est tous des personnages historiques qu'on va utiliser de façon fictionnelle pour faire avancer le jeu. On est vraiment rentré dans ce contexte historique-là grâce à ça. C'est que c'est un numéro un pour les combats, l'histoire, tout. Ça vaut la peine. Bien, merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Alors, on va écouter une pièce, ça va être une pièce de Minecraft. Oui, ben en fait, j'ai eu une petite pensée pour Guillaume Forain qui nous parlait justement de sa dépendance de Minecraft. Je me suis dit, s'il nous écoute, on va lui donner le goût de jouer. En fait, c'est quelqu'un sur Internet qui a fait une parodie d'une chanson du titre Dynamite. Je ne me rappelle pas le nom de l'artiste, par contre, mais il a appelé ça tout simplement TNT. Et dans la chanson, il dit à quel point c'est le fun, justement, de jouer à Minecraft avec la TNT. Fait que c'est quand même très intéressant. Vous êtes à puissance maximale. to dig, dig, dig, dig. I'll build a city oh so big, big, big, big. Just wait a sec, gotta kill this pig, pig, pig, pig. Cook me some bacon, take a swig, swig, swig, swig. Yeah, yeah, there must be something I can craft to ease the burden of this town. Came to blow, blow, blow, blow up everything you've ever known, known, known, known. Expel you out of house and home, home, home, home. Biome to biome, you shall roam, roam, roam, roam. Yeah, yeah, cause I'm a creeper, I will rob all of your items, that's my job. What's going on? My name is Jordan, or Captain Sparkles, as my YouTube channel would suggest. Minasan, konnichiwa. Nihon dewa Naruto dake janakute, minasan, minna de igo o shite iru. Soshite na, Quebec ni mo igo o shite kudasai. Ima kara puissance maximale kite kudasai. Et nous sommes de retour à puissance maximale, comme on le disait en anglais et en japonais, on vient d'entendre la traduction japonaise qui est venue un peu par-dessus l'anglais, juste pour en parler un peu, nous donner une petite traduction de ce qu'il disait. Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission aujourd'hui, je veux juste vous dire que j'ai téléchargé juste avant la fin du PlayStation Network. J'ai eu la chance de mettre la main sur Might and Magic Clash of Heroes, qui est disponible également sur la Xbox 360, mais c'est un jeu qui est sorti en 2009 sur la Nintendo DS, qui est un petit jeu créé, édité par Ubisoft, développé par Capybara Games, qui est quand même très bien. Un petit jeu de style puzzle et aventure. Bon, on se souvient des styles puzzle. Ça ressemble un peu à Puzzle Quest dans le temps là, où on devait avancer sur une carte, puis hop, il arrivait un petit combat à un endroit, puis là, avec un genre d'affaires à Tetris là, avec des différents couleurs qu'on devait aligner ensemble, se battre contre les méchants. Eh bien là, c'est dans le même style, on avance sur une carte comme ça, et ce qu'on doit faire tout simplement, c'est quand arrive le combat, on se retrouve dans une grille où il y a à peu près 96 cases de disponibles, donc 48 pour un joueur et 48 pour l'autre, et on doit monter nos différentes armées contre celle de l'adversaire. Super intéressant. On peut jouer 5 niveaux différents, donc 5 jeunes aventuriers qui font partie des humains, des elfes, des démons, les morts-vivants et les mages. Et chacun de ces personnages-là a des armées différentes. Et ça vaut vraiment la peine de l'essayer. C'est assez rapide comme petit message pour ce jeu-là, mais moi, ça fait des heures que je mets là-dessus cette semaine et ça vaut la peine de le télécharger, je vous le dis encore une fois. Ou bien d'aller l'acheter si vous avez un Nintendo DS. C'est sorti depuis 2009 et un jeu très intéressant. Alors, ben, c'était déjà la fin. C'est déjà la fin de l'émission. On n'a pas pu en parler plus que ça, ce jeu-là. On reviendra peut-être une autre semaine. Merci beaucoup, Michael Michaud, d'avoir été à Puissance Maximale cette semaine. Merci à vous. Merci, Andrew Castegan. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on va se voir sur PlayStation Network un moment donné. Oui, c'est ça. Peut-être des chances qu'on se voit plus sur MSN avant. Mais en tout cas, et merci, François G. Couillard, d'avoir été à la console lors de cette émission. Merci à toi, Vincent Langlois. C'est un plaisir et c'est la fin de l'émission, donc on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de jeu. Juste quelques mots pour rappeler, pour dire, pour les amateurs de prog, il va y avoir un spectacle bénéfice pour CKIA le 6 mai prochain entre 5 et 7 heures du soir. Ça va être à la Ninkasi, c'est 10$ et ça inclut une consommation. Donc, pour plus d'informations, allez sur lepointdevente.com. Voilà. Ciao, ciao. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we die.